Exercice 9, page 53. A. Est-ce qu'elles aiment marcher? Transformer. Oui, elles aiment faire ça. B. Est-ce qu'elles aiment rêver? Transformer. Oui, elles aiment faire ça. C. Est-ce qu'elles détestent pêcher? Transformer. Oui, elles détestent faire ça. D. Est-ce qu'elles peuvent payer? Transformer. Oui, elles peuvent faire ça. E. Est-ce qu'elles veulent rester? Transformer. Oui, elles veulent faire ça.